Un diplôme pour être conscient. Le titre m'est venu suite à une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec un gars. En fait, il a peu d'études. En fait, il a arrêté ses études. Il avait à peine complété le secondaire 2 ici au Québec. Et puis, pour lui, il se sentait dévalorisé par rapport au fait qu'il y avait peu d'études sur le plan intellectuel. Puis là, moi, ce que j'y expliquais, c'est que d'avoir des études, que ce soit un baccalauréat, une maîtrise ou même un doctorat à l'université, c'est pas une garantie pour être conscient. Après tout, ici au Québec, il y a eu un médecin qui a tué ses enfants à coups de couteau. Alors qu'il y avait un doctorat, le plus haut niveau d'études universitaires. Donc, autrement dit, c'est pas une garantie d'être conscient. Puis, de faire reposer son identité en fonction d'un diplôme pour se sentir être, exister, être quelqu'un d'important, etc., c'est lié à de l'insécurité psychologique. Puis le jour que le diplôme disparaît, tu sais, le diplôme, il prend en feu, là, puis la personne n'est pas capable de le retracer dans des archives, bien, elle va vivre un état de dépression, un état de crise, parce qu'elle fait reposer son identité sur le diplôme. Il y en a d'autres, c'est pas le diplôme leur affaire. C'est les muscles. Il y en a qui vont s'entraîner en salle, puis il faut qu'ils soient musclés pour avoir une identité comme quelqu'un qui est en forme. Donc, chacun a ses trucs comme support externe pour se donner une forme d'identité. Mais en réalité, tant aussi longtemps que l'identité d'un individu ne reposera pas sur sa capacité à être en harmonie avec son propre esprit et vivre en unition avec lui, il va tout le temps être déstabilisable par l'environnement. Parce que quelqu'un peut perdre son diplôme, quelqu'un qui a développé une musculature très prononcée et avec des gros biceps, des gros pectoraux, ben, le jour que la personne elle tombe malade et elle ne peut plus s'entraîner ou elle ne prend plus de stéroïdes pour la booster, pour la stimuler, ben, tôt ou tard, elle risque d'en souffrir. D'ailleurs, c'est ce qui arrive entre autres par rapport à certaines personnes qui vont s'attacher à la forme du corps biologique pour se définir sur le plan identitaire. Donc, imaginez la vedette qui vieillit, une actrice de télévision ou également une chanteuse populaire. Ben, c'est sûr que si elle vieillit, puis elle se réfléchit par rapport à ça, puis elle se compare, ben, elle va souffrir psychologiquement. C'est moindrement que la personne donne de l'importance à quelque chose, puis elle se compare par rapport à ça. C'est là qu'elle s'expose à de la souffrance. Donc, comme le gars avec qui que je discutais, il n'y avait pas de diplôme, il était vibrant dans l'esprit. Moi, je trouvais ça intéressant. Puis, je préfère de loin de discuter avec quelqu'un qui n'a pas complété ses études secondaires que quelqu'un qui présente 3 doctorats, puis il est imbu d'orgueil, puis il s'écoute parler. En tout cas, le gars, il vivait d'insécurité psychologique, mais il avait une belle ouverture, une belle sensibilité. Puis, à quelque part, il y a à se faire un peu plus confiance, mais c'est intéressant le fait qu'il n'était pas imbu de lui-même. Tandis qu'il y en a d'autres qui accumulent des formes. C'est comme des encyclopédies et des bibliothèques qui accumulent. Puis à un moment donné, c'est plein. C'est comme si l'aura là, est plafonnée, plein de mémoires qui sont des éléments qui empêchent la libre circulation de l'énergie au sein de l'individu. Puis avec le temps, le dévitalise. Donc quelqu'un, je crois, en puissance, en accumulant des mémoires qui vont le dévitaliser puis l'alourdir. C'est comme quelqu'un qui se sent à quelque part important parce qu'il y a plein de bibliothèques chez lui, mais c'est sûr que les bibliothèques ne sont pas une garantie du niveau de conscience. Ça n'a aucun rapport. En fait, la façon que ça fonctionne, que la personne ait fait des études universitaires, pas d'études universitaires, c'est une intégration d'énergie. Et tu as des gens dans la société qui ont peu ou pas d'études et qui ont un taux vibratoire beaucoup plus élevé que celui qui a beaucoup d'éducation. Et ça peut être possible aussi qu'il y ait des gens très éduqués au niveau intellectuel et sont dotés d'une conscience vibratoire. Donc, ça ne va pas nécessairement de pair. D'où l'importance d'être capable de faire des nuances. Mais ce qui est particulier, c'est que j'ai eu la chance au fil du temps de rencontrer. Plus pour la première personne qui m'a parlé comme ça aujourd'hui, j'en ai eu un autre là, il y a plusieurs jours qui se dévalorisait parce qu'il n'y a pas de diplôme. Mais oui, mais l'identité réelle, elle ne repose pas sur le diplôme. Le diplôme, c'est une forme temporaire issue d'un contexte planétaire. Ce que la personne reste avec en tant qu'âme, une fois que l'incarnation est complétée, c'est son taux vibratoire. Si la personne intègre son esprit à 5%, ben c'est avec ça qu'elle repart. Après tout, le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Dans le sens que, quand même que la personne ait plein de diplômes, ou elle ait plein d'argent, ou elle a une fortune, ben, une fois qu'elle n'est plus sur le plan physique, c'est pas les choses qui l'accompagnent. Ce qui l'accompagne dans la préincarnation, c'est le taux vibratoire qu'elle a réussi à intégrer sur le plan physique à travers l'incarnation, étant donné que le corps biologique qu'elle intègre en tant qu'âme est une interface médiatrice qui lui permet de faire des connexions avec l'esprit. C'est tout simplement ça. L'essentiel de la vie humaine, c'est une expérience d'évolution qui vise à ce que l'être humain, lorsqu'il naît, il a un certain taux vibratoire, puis idéalement, lorsqu'il complète sa vie, son existence, il est plus élevé. Donc, c'est tout simplement ça, le processus évolutif. Puis, en ce qui concerne les livres, puis l'éducation, ben, c'est utile lorsque la personne fonctionne au niveau de l'âme, mais lorsque la personne a la capacité de fonctionner au niveau de l'esprit parce qu'elle commence à être mise en vibration par l'esprit qui altère son aura, ben, à ce moment-là, elle n'a plus besoin des livres pour apprendre, elle a juste à canaliser en relation avec l'énergie de l'esprit qu'elle capte. Et l'utilité des livres, à ce moment-là, est strictement pour se doter de formes humaines pour qu'elle puisse communiquer et véhiculer une information, une instruction à d'autres êtres humains qui n'ont pas la capacité immédiate de vibrer directement au savoir. Parce que si un être humain est capable de vibrer totalement au savoir, puis un autre être humain aussi, les mots ne sont plus nécessaires. Les mots sont utiles tant aussi longtemps qu'une transition à avoir entre des gens qui ont la capacité de communiquer d'une manière télépathique parce que l'ego est transparent, puis des gens qui ne l'ont pas. Mais éventuellement, lorsque l'être humain aura totalement intégré l'esprit, puis fonctionnera à partir d'une vibration, puis la même vibration va être capable d'être captée par l'autre d'une manière transparente parce que son ego sera transparent, les deux personnes auront juste à télépathiser ensemble. Il n'y aura pas besoin d'utiliser les formes. Les formes ont été développées, puis les symboles, le langage, d'une manière à compenser le fait que l'être humain n'a pas la capacité de vivre totalement l'esprit. Mais lorsque l'être humain vit totalement l'esprit, l'utilisation de la forme devient une intermédiaire qui est superflue. Parce que ça prend de l'énergie, donc apprendre une forme, puis encoder, puis décoder dans une langue. Donc imaginez quelqu'un parle à une personne en français, puis là, il faut que ça soit traduit en anglais parce que l'autre parle en anglais. Fait que là, on traduit une vibration qui a été émise d'une certaine façon. Puis là, c'est transféré dans une autre forme. Puis là, ça crée une lourdeur, ça crée une dépense d'énergie qui n'aurait pas lieu si les deux personnes sont synthonisées simultanément à la conscience universelle en relation avec leur esprit, puis ils reçoivent la même chose dans le cerveau comme information. Parce qu'après tout, la pensée vient d'ailleurs. Mais ça va venir avec le temps. Chaque chose en son temps, on commence comme ça. Et sinon, ben, c'est sûr qu'au-delà du diplôme, qui est une forme qui a été beaucoup valorisée en société, et ça a son utilité lorsque la personne se développe au niveau de l'âme. Mais ce n'est pas une garantie d'un accès à une conscience réelle. Parce que la conscience réelle ne passe pas par la forme, ne passe pas par les études où on mémorise des choses comme des perroquets. Elle passe par la manifestation et l'intégration de vibrations. Ce qui n'est pas pareil. Parce que, après tout, les formes sont transitoires, les formes peuvent être oubliées. Donc, la mémoire est une faculté qui oublie, comme le dit le célèbre adage. Donc, quelqu'un apprend des formes, puis ils oublient, puis il en apprend d'autres, ils oublient. Alors que lorsque la personne est sur la vibration, elle sait ce qu'elle a à savoir au moment opportun, parce qu'elle est branchée sur l'esprit. Puis qu'elle l'oublie intellectuellement ou elle ne l'oublie pas intellectuellement, si la personne est capable de canaliser, alors, d'une manière instantanée, immédiate, réponse à la question ou l'opposition auquel elle peut être exposée pour y faire face d'une manière créative. Voilà l'essentiel. Sinon, en relation avec le GPS, il y a une comparaison qui peut être intéressante à faire, c'est-à-dire entre l'esprit et le GPS. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, en automobile, dans les véhicules, il y a soit un GPS qui est intégré sur le tableau de bord, et il y a aussi des téléphones intelligents qui sont munis d'une application avec un GPS. Il suffit tout simplement d'entrer le lieu où nous sommes et le lieu également auquel nous voulons nous diriger. Donc, lorsqu'on fait ça, c'est intéressant. Moi-même, j'ai un téléphone intelligent là, avec un GPS intégré dessus. Donc, on fait à ce moment-là une programmation Puis par la suite, ça va nous dire en auto, tournez à gauche, tournez à droite. Et ce qui peut être amusant, c'est qu'il y a plusieurs, vu que ça se développe avec le temps, plusieurs types de voix. Ça peut nous dire de tourner à droite avec un français plus européen, donc tourner à droite. Mais ça peut être avec aussi un français de type québécois, tourne à droite. Oui, à un moment donné, j'ai entendu un GPS qui parlait comme ça, tourne à gauche. Puis il retourne à droite. Oui, vraiment comme ça. Puis de manière prononcée québécoise, c'était vraiment humoristique. J'étais avec quelqu'un dans une auto, puis c'était en langage comme ça québécois. Donc, ça m'amusait. Fait que ça nous fait voir que les voix peuvent être en fonction de différentes cultures, différents accents. Et puis, ça nous parle. Donc, on est en auto, puis il y a une voix qui me dit que faut que je tourne à droite. Quand on canalise, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelqu'un, par exemple, fait un exercice de canalisation. Ça me dit que l'âme, c'est telle affaire ou il faut que je fasse telle affaire. Mais c'est le même principe, c'est que ça nous parle. Donc, la technologie, présentement, un peu à l'image du GPS intérieur, nous parle puis peut nous indiquer une direction. C'est sûr que la technologie, ça se fait en fonction d'une programmation au niveau de la forme. Mais c'est sûr que l'esprit peut être comparable à une forme de GPS, mais intérieur, puis infaillible. Dans le sens que le GPS, présentement, c'est en fonction d'une programmation relative. Si le GPS n'est pas mis en réseau avec Internet pour se mettre à jour d'une manière continuelle, ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, s'il y a des modifications par rapport à des parcours routiers, de nouvelles routes qui apparaissent, aussi des routes qui sont en réparation, ben ça ne sera pas indiqué. Parce que le GPS n'est pas mis en réseau avec le système. Donc, autrement dit, si le GPS n'est pas mis en réseau avec l'ensemble du système, il ne peut pas bénéficier des mises à jour et de son intelligence. Un peu comme l'individu. Si l'individu n'est pas mis en réseau avec la conscience universelle, il ne peut pas bénéficier de ses mises à jour et de son intelligence. Donc, il ne peut pas s'y ajuster. Donc, c'est sûr que la technologie, un peu comme l'être humain en voie d'évolution, va être appelée à s'ajuster continuellement à l'évolution des informations disponibles sur le réseau, et l'être humain va être appelé à s'ajuster, en plus des informations disponibles qui sont des formes, à la vibration qui provient du réseau psychique, de l'Internet psychique, donc pour altérer sa psyché, puis que l'être humain devienne de plus en plus, au fil du temps, un être capacité d'intégration de l'énergie de l'esprit pour cohabiter avec cette présence en lui. Mais ça va venir avec le temps. Mais pour arriver là, ben il faut qu'il suive le GPS intérieur. Donc, il peut suivre le GPS extérieur. Ça va dire, faut que tu tournes à droite. Puis ça peut dire intérieurement, tourne à droite. Fait que là, il tourne à droite. Mais si la machine, au niveau de la forme, en termes de programmation, lui dit de tourner à droite, mais qu'à l'intérieur de lui, ça lui dit de tourner à gauche. Là, la personne a deux choix. Soit qu'il suit la machine, la technologie ou la vibration. Puis c'est sûr que plus que la personne devient sensible à l'esprit, puis plus qu'il va être appelé à suivre la vibration, puis plus qu'il va la capter à clarté, et plus que ça va devenir facile pour lui de l'intercepter sans qu'il y ait des interférences. Parce que l'intégration se fait. Souvent le plus difficile au début du processus d'intégration de la conscience, c'est vraiment des premiers moments où ce que ça s'installe dans notre vie. C'est souvent associé à une crise. Ça peut être une crise existentielle importante, rupture amoureuse, perte de travail, problème de santé grave, des choses comme ça. Puis, les événements qui modifient, altèrent la psyché de l'ego, qui ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait avant, l'amènent à se réinventer. Parce que c'est à travers la crise auquel l'individu est confronté qui est appelé à évoluer, à sortir des sentiers battus et à se redéfinir psychiquement et créativement. Et c'est à travers aussi de ça qu'il est appelé à redéfinir son rapport aux autres. Parlant de rapport aux autres, j'ai eu une discussion intéressante récemment avec une mère de famille qui racontait qu'elle a des enfants qui ont tendance à se plaindre. Que dans le fond, eux autres, ils n'aiment pas qu'est-ce qu'elle fait à manger, elle. puis ils se plaignent, puis ils aiment pas ça, puis ils chialent. Puis elle, elle a répondu, ben écoutez, si vous aimez pas ça, ce que je fais, faites-vous à manger vous-même. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai dit, ah, ça, c'est un bel exemple d'intégration de la conscience au quotidien. Donc, autrement dit, il faut que la personne soit capable de s'affirmer en tant qu'individualité en disant que c'est pas parce que je suis une mère de famille qu'il faut que je réponde à tous les caprices de mes enfants. Non, il faut qu'elle se tienne debout. Donc, à un moment donné, il faut que la personne s'affirme, mère, pas mère, puis qu'elle soit capable de dire par rapport aux gens de l'environnement qui font juste chialer, font juste se plaindre, font juste critiquer dans un sens négatif, pas constructif, bien, si vous n'êtes pas satisfait, arrangez-vous par vous-même. Puis être capable de le maintenir. Parce que il y a certaines mères de famille qui vont se sentir coupables si elles ne font pas continuellement à manger aux enfants. Donc, elles sont soumises à un rôle parental qui les amène à s'alourdir. Mais si les enfants, ils sont rendus adultes, puis ont l'âge de se faire à manger, ça serait logique qu'ils se fassent à manger eux-mêmes. Donc, mais il y a des mères de famille qui n'osent pas trop. C'est sûr que cette mère-là de famille qui me partageait ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un très bel exemple de manifestation d'une identité réelle dans le quotidien, dans le rapport avec autrui. Donc, pour moi, je trouve ça beaucoup plus vibrant, ce type de partage-là d'expérience, que de faire des discussions interminables à savoir c'est quoi la différence entre le double, l'ajusteur de pensée, puis l'esprit. Puis, c'est quoi le double éthérique par rapport au double? Puis c'est quoi, là, le double luciférien? C'est-tu une affaire qui t'épeurante? C'est des questions techniques, des questions pointues, mais l'essentiel de la vie de l'être humain doit être centré par rapport au fait d'être bien dans sa peau, puis oui, intégrer son rapport à l'invisible, mais les discussions conceptuelles ne doivent pas avoir la priorité sur une capacité de manifestation de la conscience dans son quotidien à travers un engagement dans son rapport avec autrui en termes d'action qui amène à affirmer une vibration. Donc, par exemple, une personne qui refuse de se faire marcher sur les pieds par les autres, qui font juste chialer, puis elle affirme qu'elle se tient debout, qu'à quelque part, elle n'est pas là pour répondre aux caprices des autres, ben, elle arrête de se faire gruger sur des énergies vitales. Et ça, je trouve ça extrêmement appliqué et concret, là. Donc, c'est sûr que je trouvais ça intéressant à discuter avec cette mère-là de famille parce que ça me ramenait entre autres à des discussions que j'ai eues avec ma propre mère, qui écoute d'ailleurs régulièrement mes enregistrements. Donc, c'est sûr qu'elle, c'est particulier son affaire, parce que, à quelque part, elle écoute mes enregistrements, puis elle va me dire, « Ah, ben, moi, la réincarnation, je crois pas à ça, telle affaire que tu dis, je suis pas sûr que c'est ça. » Puis, j'ai dit, OK, dans le fond, moi, mon but, c'est pas que tu crois. Donc, qu'est-ce que je dis, naturellement? Je ne vise pas à faire une secte, mais il y a beaucoup de choses qui sont en décalage avec elle. Mais elle me dit qu'elle écoute régulièrement mes enregistrements de 2 à 3 fois chacun parce que, à quelque part, elle a comme un mouvement à l'intérieur d'elle qu'il faut qu'elle écoute ça. Mais en même temps, par rapport aux propos qui sont exprimés, elle n'est pas nécessairement en accord. Mais là, je dis, c'est vraiment particulier ton affaire. Parce que t'es en désaccord avec plein de choses que je dis, mais mes enregistrements, là, faut que tu les écoutes. T'es mis à me raconter qu'il faut qu'elle les écoute de 2 à 3 fois parce qu'elle essaie de comprendre. Puis à quelque part, j'ai capté qu'elle aimait la vibration de mes enregistrements, mais pas nécessairement ce que je dis. Donc, c'est sûr que c'est particulier comme situation parce que c'est comme si la vibration que je véhicule la rejoint, mais les formes que j'utilise ou le contenu n'est pas nécessairement d'accord. Donc, si je manifeste des points de vue assez critiques par rapport à la religion, entre autres, n'est pas nécessairement d'accord parce qu'avant la messe, tous les dimanches, mais dans sa sensibilité, elle aime ça écouter ces enregistrements-là, puis à quelque part, elle a du plaisir parce que sans ça, elle ne les écouterait pas autant. Fait que c'est particulier comme situation, mais ça me fait voir un peu comment quelqu'un peut vivre la transition par rapport à l'intégration d'une conscience peut vivre un certain rapport ambivalent par rapport à quelque chose, dans le sens que la personne écoute ça régulièrement, mais si tu lui poses la question à savoir est-ce que la réincarnation existe, elle va dire « Ah non, c'est pas vrai ces affaires-là. » Mais si je fais moindrement un enregistrement où ce que j'en parle, elle peut l'écouter à plusieurs reprises. Donc, c'est particulier. Parce qu'en réalité, c'est peut-être pas la réincarnation en tant que telle, mais c'est dans l'état d'être que j'en parle. Je pense que c'est plus ça qui la rejoint, qui va la dynamiser. Donc ça, c'est sur d'expériences particulières. Mais sinon, j'ai déjà eu discussion avec elle. Parce que là, j'ai dit, écoute, mon frère est rendu adulte, il vit avec toi, puis tu fais un repas sur l'heure du souper, puis après ça, quand il arrive, tu refais un autre repas pour lui. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il est rendu adulte. Là. Tu devrais laisser lui-même faire un repas. Puis là, elle ne veut pas y déplaire. Même chose pour le lit le matin. Donc, imaginez-vous donc, mon frère est rendu... Il est rendu à quel âge, là? J'ai 4 ans de différence avec lui. J'ai 38. Il va avoir 34. Donc, il va avoir 34 ans, là. Il n'a plus 5 ans, là. Il n'a pas 7 ans non plus. Il n'a pas 12 ans. Il est rendu avec 34 ans. Puis c'est toujours maman qui fait le lit de mon frère le matin chez lui. Moi, je ne vais plus avec eux autres à présent. Puis là, j'ai dit, « Maman, c'est parce que là, c'est un adulte, là. Il a toutes ses capacités intellectuelles, capacités physiques aussi. Il n'y a aucune raison logique à ce que tu continues de faire son lit. Quand il avait 4 ans ou 5 ans, c'était adapté ton comportement. Mais à un moment donné, il faut que ça évolue. Puis là, il est rendu à 34 ans. Je pense que... il serait prêt, là, à faire son lit. Fait que là, j'ai dit des choses de même, mais là, elle dit, ah, il est habitué comme ça, puis elle dit, je veux pas faire de chicane, je veux pas le déplaire. C'est comme un droit acquis. Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Faut sortir des traditions du passé, surtout si c'est désajusté. Quelque chose peut être ajusté temporairement. Comme un enfant, il a 2-3 ans, c'est comme logique que le parent fasse le lit. Mais là, quand il est rendu à 34 ans, normalement, il devrait être capable par lui-même. Je veux dire... à part s'il y a des problèmes de santé graves ou il y a un handicap ou quoi que ce soit, mais si la personne n'a pas d'empêchement, ça devrait changer. Donc, c'est un petit peu le même principe pour l'évolution. C'est comme on fait des lois. Dans le passé, entre autres au Canada, il y a eu l'influence de la monarchie avec des lieutenants-gouverneurs dans toutes les provinces qui ont pour but de représenter la reine. Donc, c'est sûr que ça vient du passé, ces structures-là, puis ont encore une certaine influence symbolique aujourd'hui. Mais c'est fini, ce temps-là. Les Canadiens doivent diriger eux-mêmes leur pays. Puis les représentants de la reine, là, ça a eu une utilité symbolique dans le passé pour une affiliation en lien avec l'Angleterre. Mais là, à un moment donné, il faut être autonome. Il ne faut plus vivre au crochet de la mère patrie. Faut plus avoir aussi une mentalité de coloniser puis que la reine va nous dire quoi faire. Non, c'est les Canadiens qui par eux-mêmes doivent savoir quoi faire. Même chose par rapport aux Québécois. D'ailleurs, c'est sûr qu'au Québec, ici, on a plus contesté l'autorité de la reine sur les institutions gouvernementales puis son influence que à d'autres endroits dans le Canada. Donc, ça fait partie de la sensibilité du Québécois de contester ce type d'autorité-là. Donc, c'est sûr que éventuellement, c'est les gens au Québec qui doivent décider pour eux-mêmes ce qui doit être sur le plan politique. Et c'est sûr que la monarchie et son influence issue du passé doit prendre fin. Donc, autrement dit, je vous propose dès maintenant à ce qu'il y ait l'abolition des postes de lieutenant-gouverneur, surtout que ça coûte une fortune aux citoyens. Ça coûte des grandes quantités d'argent d'entretenir ces gens-là pour exercer un rôle symbolique, pour se promener dans d'autres pays, aller dans des réceptions, aller dans des buffets. Puis, pendant ce temps-là, on a des problèmes ici au Québec par rapport au système de santé, par rapport au système d'éducation. Si on pense au système de santé, ben, on a toujours des problèmes de file d'attente. Puis ça, là, ça évolue pas tellement vite. Donc, c'est sûr que ça fait au-dessus de 20 ans que présentement, il y a des difficultés incroyables de gérer des urgences dans un pays. Puis, lorsqu'on écoute les médias, que ce soit la radio ou la télévision, bien, tranquillement, les prises de conscience qui se font. Mais ça fait voir comment que ça évolue pas vite. Donc, c'est sûr que quand on regarde, par exemple, l'état des résidences de personnes âgées, les CHSLD, puis la façon que meurent les gens, c'est ridicule de voir comment que nous sommes si peu évolués aujourd'hui. Donc, on va entendre parler, par exemple, d'une personne âgée qui est morte ébouillantée dans son bain parce que la préposée aux bénéficiaires, ou c'était un homme ou une femme, peu importe, là, avait oublié de fermer l'eau, puis c'était de l'eau chaude qui était trop brûlante. Fait que là, la personne est morte brûlée. Il y en a un autre, là, un résident d'une personne âgée, d'un centre de personnes âgées, qui a mangé un cordichon. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le cordichon n'était pas coupé au préalable. Donc, c'est tout fait avec ça, puis il est mort. Il y en a un autre, c'est une résidente. Il y a eu une alarme de feu. Elle est sortie dehors, à l'extérieur, alors que c'était l'hiver, il faisait froid. Mais, il n'y a pas eu personne dans l'établissement de personnes âgées que l'idée de vérifier si les gens étaient rentrés. Résultat, ben, elle est morte gelée. Fait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça qui nous font voir où est-ce qu'on est en tant que peuple au Québec, là, en termes évolutifs. Donc, c'est sûr que ça fait voir que le phénomène, entre autres, du vieillissement là, puis des résidences de personnes âgées, là, comment se comporter avec dignité avec les personnes âgées, ça reste à développer. Parce que c'est sûr que sur le plan historique, on est confronté à une situation incroyable, une situation nouvelle, une situation récente. C'est-à-dire que l'espérance de vie augmente. Donc, c'est sûr que le phénomène du vieillissement avec les pertes cognitives, le phénomène aussi des maladies chroniques, c'est très récent dans l'humanité, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est sûr que la population actuelle, notamment par rapport aux baby boomers, vivent l'expérimentation d'avoir une existence plus longue que leurs prédécesseurs, mais en contrepartie, c'est eux autres qui expérimentent les centres de personnes âgées, puis là, il y a des essais puis des erreurs. Donc, il y a un raffinement qui est fait, là, comme par exemple, l'histoire de l'île verte où des personnes âgées, à cause d'un incendie, sont mortes brûlées. Fait que là, ils vont améliorer le système des incendies pour l'ensemble du réseau des personnes âgées. Fait que c'est de l'essai-erreur. Donc, c'est sûr que présentement, les gens n'ont pas nécessairement la sensibilité de se brancher directement avec l'esprit pour faire les ajustements requis dans la matière pour un plus grand respect des personnes âgées ou de l'être humain en général pour que leur comportement soit plus adapté. Comme ils ne peuvent pas capter le signal de l'esprit, ben, les ajustements passent par l'événement. Donc, autrement dit, plein de personnes meurent dans un feu. Fait que là, on revoit les normes en matière de sécurité et d'incendie par rapport à cette résidence-là, puis on entend par la suite une revisitation des règles et des normes là, pour l'ensemble des résidences de personnes âgées pour qu'elles soient davantage sécuritaires en cas d'incendie. Fait qu'une évolution qui se fait comme ça. Donc, comme on ne peut pas capter intérieurement le signal directement d'avoir des meilleures normes en termes de santé et sécurité, que ce soit des résidences de personnes âgées ou ailleurs, ben, ça passe par l'événement, puis là, ça nous fait réaliser « Ah oui, ça serait intelligent d'améliorer ça. » Ben, c'est un petit peu comme l'événement de Lac-Mégantic qui a eu cours en 2013 ici au Québec. C'est une tragédie sociale incroyable qu'a vécu à peu près une cinquantaine de personnes qui sont mortes brûlées. Puis là, ce qui est intéressant de voir, là, c'est que ça a eu cours en 2013, pas en 1913. Donc, autrement dit, le réseau des trains était déjà solidement établi. Ça faisait déjà plusieurs décennies qu'on utilisait des trains pour se déplacer. C'était pas nouveau. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un train proche de la ville de Lac-Mégantic qui a été laissé sans surveillance, en fonction, avec la matière inflammable, dans des wagons. Puis par la suite, ben, le train qui était en fonction sans surveillance, bien, il a descendu une pente, puis avec la matière inflammable qu'il y avait dedans, ben ça a explosé dans la ville, puis à peu près une cinquantaine de personnes qui sont mortes. Donc, ça a été un événement qui a permis à l'ensemble de la population aussi ici au Québec de réaliser que s'il y a un train qui est sans fonction, qui est en fonction, ben ça pourrait être intéressant de ne pas le laisser sans surveillance. Surtout s'il y a de la matière hautement inflammable, puis finalement, ils ont fait une analyse par rapport au wagon que à quelque part, le wagon n'était pas fait d'une manière adéquate pour contenir ces substances-là, puis éviter qu'en cas de collision, ça se disperse dans l'environnement. Fait que là, ça permet de faire réaliser cela. Donc, c'est l'évolution de l'essai et à erreur. Donc, ça se retrouve dans différents aspects de la politique. Présentement, ce qui m'amuse, c'est de regarder Donald Trump, le président actuel des États-Unis d'Amérique. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il affirme que présentement, à l'échelle du globe, il n'y a pas de changement climatique. Donc, c'est sûr que les gens vont se dire, ben, il doit savoir de quoi qu'il parle. C'est le président des États-Unis, l'une des plus hautes autorités internationales en termes d'influence politique. Donc, c'est sûr qu'il doit savoir ce qu'il parle, à moins que ça ne soit pas le cas. C'est sûr qu'à quelque part, il faut contester tout. Mais là, c'est comme la personne qui dit à l'autre, ben, il doit savoir de qu'est-ce qu'il dit, c'est le président des États-Unis. Après tout, les gens aux États-Unis n'auront pas été assez stupides pour mettre au pouvoir quelqu'un qui n'a pas nécessairement une compréhension des enjeux réels par rapport au changement climatique. À moins que ça soit le cas. Donc, c'est sûr que par rapport au président des États-Unis, par rapport à ce qui est véhiculé dans les médias, puis même par rapport à mes enregistrements, croyez pas ce que je dis. Vérifiez par vous-même. Vérifiez tout le monde par rapport à ce qu'ils disent par vous-même puis votre sensibilité, puis en utilisant votre GPS intérieur. C'est pas en utilisant des connaissances acquises avec des diplômes à l'université que vous êtes capable de faire ça. C'est en étudiant votre sensibilité. Parce que moi, quand que je regarde Trump et il dit qu'il n'y a pas de changement climatique, bien, ça me dit intérieurement qu'il est dans le champ. Puis qu'il va y avoir des changements qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, il va en avoir. Puis c'est sûr que s'il se met la tête dans le sable comme une autruche, puis fait le déni de l'évidence, bon, à ce moment-là, c'est retardataire comme comportement. Puis c'est sûr que s'il entraîne une population complète d'un des pays les plus influents dans le monde dans ce comportement-là, ben, tôt ou tard, ils seront confrontés à des événements pour leur donner une juste mesure du réel. Parce que quelqu'un peut dire « Ah, telle affaire, ça n'existe pas. » Mais si il est dans le champ, tôt ou tard, il va avoir le contre-coup du choc du réel. C'est-à-dire que s'il dit qu'il n'y a pas de changement climatique, puis dans quelques années, il se ramasse avec des problèmes extrêmement graves parce que des villes côtières sont inondées, ben là, il va être obligé de dire « Ben, finalement, j'avais peut-être tort. Il y a peut-être des changements climatiques. » Surtout, suite à ces changements, il y a des millions de personnes qui perdent leur maison, qui meurent et qui se retrouvent étant sans-abri. Ce qui va donner place à une crise sociale majeure. Et si les gens ne sont pas préparés à ça, parce qu'on dit « Ah, ça n'existe pas, les changements climatiques », ben, c'est la population qui va être confrontée à un choc pour lequel elle ne sera pas préparée. Par contre, ça, c'est par rapport au collectif. Individuellement, vous pouvez vibrer à savoir est-ce que telle ville côtière va ou non subir les impacts des changements climatiques en relation avec le rehaussement du niveau des océans et aussi des perturbations climatiques, comme des tempêtes et ainsi de suite, ouragans. Fait que vous pouvez avoir une mesure par vous-même, mais l'important, c'est de savoir par vous-même. Donc, c'est sûr que quand j'écoute la TV, puis là, on voit Trump là, qui répète, il n'y en a pas de changement climatique. Moi, ça me dit non. Ça me dit qu'il y en a, puis il ne veut pas le voir. Mais c'est ses affaires. Mais ce qui est important, c'est de ne pas croire ce que la personne dit. Puis ça se peut aussi que moi-même, quand je dis des choses, là, en vous parlant au micro, je peux, dans le fond, à un moment donné, me tromper, faire des erreurs, que ça manque d'ajustement. C'est tout le temps à vérifier par rapport à votre résonance interne, qu'est-ce qui est dit, si c'est réel ou pas. Donc, c'est tout simplement ça, l'essentiel de mon propos. Puis c'est sûr que, pour en revenir au sujet de base, par rapport au diplôme, le diplôme n'est pas un prérequis pour aboutir à un état de conscience. Oubliez ça, la conscience réelle, c'est indépendant des diplômes. Donc, un diplôme peut être utile pour aller par la suite faire un métier, pour aller faire une profession. Par contre, ça ne donnera jamais à une personne accès à une vibration, parce que le diplôme, c'est quoi? C'est une forme. La forme ne donne pas accès à une vibration. Ce qui donne accès à une vibration, c'est le fait que la personne change en relation avec une vibration qui descend en elle, qui provient de l'esprit. Autrement dit, c'est l'esprit qui donne accès à la vibration, c'est pas le diplôme. Donc, c'est tout simplement ça l'essence du propos. Et c'est sûr que je préfère de loin discuter, par exemple, avec des gens sur Internet qui sont très vibrants, qui ont peu ou pas d'éducation sur le plan académique, mais qui sont très vibrants dans leurs paroles puis une sincérité. Donc, je préfère, par exemple, discuter avec quelqu'un en clavardant sur Facebook qui fait régulièrement des erreurs d'orthographe, mais qui est sincère. Donc, c'est sûr que c'est plus vibrant que quelqu'un qui utilise un paquet de termes techniques et qui s'écoute parler. Mais c'est sûr qu'il peut exister aussi des gens qui utilisent des termes techniques lorsqu'ils parlent et qui sont très vibrants. Donc, les deux peuvent exister. Il peut exister plusieurs combinaisons, d'où l'importance de tout le temps regarder intérieurement. Puis c'est sûr que ma priorité, c'est la vibration. Que la forme soit très ajustée en termes de variété de vocabulaire ou non, c'est pas important. C'est la vibration qu'ils doivent dire d'abord. Donc, autrement dit, la vibration, en termes d'intégration et développement de conscience pour un individu, est davantage importante que le diplôme que la personne peut chercher à l'école ou à l'université. Voilà l'essentiel de mon propos. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.